lobby. Thank you. Tabari. Voy con la pontola belle. Voté con la colonia. C'est ça. Hey! Au bord de la mer, on écoute la musique avec le sentiment. Oui, c'est ça. Masiko ki paten, masiko landate, masiko ki paten, nali.